Le mot pour prêt est fertig. Fertig. Fertig. Fertig, ça s'écrit F-E-R-T-I-G. À la fin de fertig, la terminaison IG se prononce habituellement comme le mot E. Fertig. D'habitude en allemand, fer, le son fer, s'écrit V-E-R. Mais avec fertig, ce n'est pas le cas. Encore une fois, fertig s'écrit F-E-R-T-I-G. Fertig. Alors, comment direz-vous « c'est prêt » ? Es ist fertig. Es ist fertig. Oui, es ist fertig. Et il y a un mot qui est très courant en allemand, c'est le mot « schon ». Schon. S-C-H-O-N. Schon veut dire « déjà ». Et en allemand, on l'utilise beaucoup. Par exemple, on dira « Es ist schon fertig ». Alors qu'en français, on ne dirait pas « c'est déjà prêt ». Vous entendrez aussi « c'est déjà là ». « Es ist schon hier ». Schon. « Ich hab's schon ». Hab's. Hab's, c'est la contraction de « habe es ». À l'oral, vous pouvez raccourcir « ich habe es » en « ich hab's ». « Ich hab's ». Je l'ai. « Ich hab's schon ». Je l'ai déjà. Ich hab's schon, c'est-à-dire ich habe es schon. Attention, il faut bien faire la distinction entre schon, S-C-H-O-N pour déjà, et le même mot mais avec un umlaut sur le O, qui se prononce schön. Schön, qui signifie beau, belle. En allemand, on emploie le même mot, schön, pour un homme ou une femme. Donc, ne confondez pas schon, déjà, et schön, beau, belle. C'est très beau, se dira. Es ist sehr schön. Schön. Encore une fois. Schön. Bien. Es ist sehr schön. Et elle est très belle. En allemand, on emploie le même mot pour beau et belle. Sie ist sehr schön. Sie ist sehr schön. Bien. Sie ist sehr schön. C'est prêt? C'est déjà prêt? Se dit? C'est déjà prêt? Es ist schon fertig. Es ist schon fertig. Es ist schon fertig. Alles en allemand signifie tout. Alles. Alles. Donc tout est prêt. Tout est prêt, se dit alles. Alles ist. Oui, donc tout est prêt, c'est-à-dire tout est déjà prêt. Alles ist. Schon fertig. Bien. Alles ist schon fertig. Redites-le. Alles ist schon fertig. Oui. Alles ist schon fertig. Alles ist schon fertig. Et comment diriez-vous « tout sera bientôt prêt pour vous » ? Tout va être prêt. Tout. Alles wird. Alles wird. Pour vous. Alles wird für Sie. Bien. Alles wird für Sie. Bientôt. Bald. Bald, c'est ça. Alles wird für Sie bald fertig. Bien. Alles wird für Sie bald fertig sein. Donc, vous voyez qu'en allemand, quand on a un verbe porte-manteau, le second verbe, ici sein, est rejeté en fin de phrase. Maintenant, dites-le encore une fois, tout sera bientôt prêt pour vous. Alles wird für Sie bald fertig sein. Bien. Alles wird für Sie, pour vous, bald fertig sein. Alles wird für Sie bald fertig sein.